Les individus qui se rangent dans la troisième catégorie sont les nécessiteux que la misère seule a pu rendre coupables. La société doit être indulgente à leur égard. Presque tous ne demanderaient qu'à être en paix avec les lois, mais auparavant, il serait indispensable qu'ils fussent en paix avec leur estomac. Décidément, la population est trop compacte. Ou bien ceux qui ont sont égoïstes au-delà de leur appétit. Les peines ne devraient-elles pas être graduées en raison de la nécessité, en raison du plus ou moins de lumière du délinquant, en raison de sa situation? La portée de l'intelligence, sa culture négligée ou non, et une foule d'antécédents qui anéantissent toujours plus ou moins le libre-arbitre pour ce qui est subséquent, ne devrait-il pas être pris en considération? Les peines sont proportionnées au crime, c'est vrai. Mais le même crime est atroce ou excusable, suivant qu'il est commis par un licencié en droit ou par un sauvage de la Basse-Bretagne. Dans une civilisation dont nous ne sommes pas tous également imprégnés, des lois, pour ne pas être iniques dans leur application, devraient être faites comme les habits des soldats, sur trois tailles, avec une grande latitude laissée aux juges pour absoudre le sort et l'organisation. Les voleurs de profession sont tous ceux qui, volontairement ou non, ont contracté l'habitude de s'approprier le bien d'autrui. Ils n'ont qu'une pensée, la rapine. Cette catégorie comprend depuis l'escroc jusqu'au voleur de grand chemin, depuis l'usurier jusqu'au fourban qui troque contre un palais les vivres d'une armée. Ne disons rien de ceux qu'on n'atteint pas. Les autres forment 10 à 12 espèces bien distinctes, sans compter les variétés. Ensuite viennent les nuances de pays à pays. Quant à l'objet qu'ils se proposent, les voleurs sont partout à peu près les mêmes. Mais ce n'est pas partout la même manière d'opérer. Ils marchent aussi avec leur siècle. Cartouche ne serait aujourd'hui qu'une ganache renforcée, et Coignard, hors du bagne, passerait pour un voltigeur. Le monde volant n'a pas d'académie, que je sache. Cependant, il a, comme le monde littéraire, ses classiques et ses romantiques. Tel russe, qui jadis était de bon aloi, n'est plus maintenant qu'une malice cousue de fil blanc. Et ce mannequin, tout couvert de grelots, dont il fallait subtiliser la montre sans en faire sonner un seul, ce mannequin, dont les preuves semblaient si ingénieuses à nos pères, ce mannequin est comme Corneille, comme Racine, comme Voltaire, rococo. C'est au vivant que nos modernes s'attaquent de prime abord. C'est sur la nature qu'ils font leurs essais. À leur début, ils tranchent du maître. Pour eux, les anciens sont comme s'ils n'étaient pas. Il n'y a plus de modèle, plus de copie, plus de traces suivies, personne ne pivote. C'est à qui se frayera une route nouvelle. Toutefois, il est un cercle dans lequel les originaux eux-mêmes doivent se mouvoir. Je les ai observés, j'ai vu leur point de départ, je sais où ils vont, et quelles que soient leurs évolutions ou leur génie, toutes les sinuosités de leur itinéraire me sont connues d'avance. À travers les mille et une transformations qu'enfante chaque jour le besoin d'échapper à une surveillance importune, j'ai pu discerner encore le caractère propre à chaque espèce. La physionomie, le langage, les habitudes, les mœurs, le costume, l'ensemble et les détails, j'ai tout étudié, tout retenu, et qu'un individu passe devant moi, si c'est un voleur de profession, je le signalerai. J'indiquerai même son genre. Souvent, à l'inspection d'une seule pièce du vêtement, j'aurais plutôt deviné un voleur de pied en cap que notre célèbre cuvier. Avec 2 maxillaires et 1/2 douzaine de vertèbres, n'aura reconnu un animal antédiluvien, fût-ce un homme fossile. Il y a dans l'accoutrement des larrons des hiéroglyphes que l'on peut déchiffrer avec plus de certitude que celle dont un monsieur de Figeac se vante de nous donner l'interprétation ad apertoram libri. Il y a également dans les manières des signes qui ne sont nullement équivoques. J'en demande pardon à l'avatar, ainsi qu'au très fameux docteur Gall et Spurzheim, enfin à tous les physiognomonistes ou phrénologistes passés, présents et à venir, dans les monographies que je vais tracer, je ne tiendrai compte ni des irrégularités du visage, si elles ne sont accidentelles, ni des protubérances frontales, occipitales ou autres, ce sont les indications plus précises et surtout plus positives que je fournirai, me gardant soigneusement de cet esprit de système qui ne produit que des erreurs. Une bonne toxicologie ne se fonde pas sur des hypothèses. Voyez celle de M. Orfila. On ne se joue pas avec les poisons, et quand on va mener une démarcation infaillible entre les bons et les mauvais champignons, entre les espèces vénéneuses et celles qui ne le sont pas, il faut des données d'une évidence si constante et si palpable que personne ne puisse s'y méprendre. Afin de trouver un appui à la comparaison, j'en appelle le savant docteur Rock, dont l'excellent travail sur cette matière est si justement estimé. Puisque par cette série de rapprochements auxquels sans doute le lecteur ne s'attendait pas, je suis parvenu jusqu'aux confins de l'histoire naturelle, je ne suis pas fâché de saisir la propos pour déclarer que c'est uniquement d'après ma méthode que j'ai entrepris de classer les voleurs. Pendant une perquisition, un livre me tomba sous la main. Il contenait des images. Pour les hommes comme pour les enfants, les images ont beaucoup d'attrait. Tandis que le commissaire furetait partout afin de découvrir un pamphlet, c'était, je crois, du Paul-Louis Courier, je feuilletais et m'amusais tout bonnement à regarder les estampes. Le livre qui m'offrait cette innocente distraction était une monacologie ou monacographie où tous les ordres de moines, mâles et femelles, étaient classés et décrits d'après la méthode de Linné. L'idée était ingénieuse, j'avoue qu'elle me sourit, et plus tard, en songeant à donner une classification des voleurs, j'étais presque tenté d'en faire mon profit. Mais en y réfléchissant, je me suis bientôt convaincu qu'il y avait beaucoup trop à faire pour découvrir dans un voleur les étamines, les pétales, les pistils, les corolles, les capsules. Certainement, avec de l'imagination, on peut voir tout ce que nous se met dans la fantaisie. Faire voir, malgré les fantasmagories et les évocations de Cagliostro, c'est autre chose. Les capsules d'un frère mineur et le pistil d'une visitandine, centre d'effort, cela se conçoit. Mais bien que les voleurs pullulent et s'entrefécondent, bien que, suivant le précepte, ils croissent et se multiplient, ne plus ni moins que les plantes et les animaux, comme ce n'est pas là ce qui les distingue essentiellement, j'ai dû renoncer à la méthode de Linné et me résoudre à consigner purement et simplement mes remarques, sans m'inquiéter s'il y aurait plus d'avantages à les coordonner bien savamment, en adaptant aux individus qui en font le sujet, les dénominations plus récentes de la zoologie. Peut-être, en méditant le traité des monstruosités de M. Geoffroy Saint-Hilaire, serais-je arrivé à calquer la marge de mon travail sur celle du sien, mais l'analogie entre les monstruosités dont nous nous occupons l'un et l'autre ne m'a pas paru assez frappante pour que je prisse la peine de le consulter. D'ailleurs, qui oserait affirmer que le penchant en vol soit une anomalie? Et tout en accordant qu'il est urgent de le réprimer, c'est encore une question de savoir si ce n'est pas un instinct. Ce n'est pas tout. Le moral et le physique ne s'emboîtent pas toujours. Quand si celui-ci est droit, celui-là est tordu, et vice-versa. N'y aurait-il pas de l'extravagance à vouloir établir des parallèles? Je ne suis pas de ces gens qui reculent devant une innovation. Cependant, en offrant la nomenclature des voleurs, je me suis conformé à l'ancien usage. Je leur ai conservé les dénominations sous lesquelles ils se connaissent entre eux et sont connus de la police, depuis que Paris est assez vaste et assez peuplé pour que toutes les espèces et variétés puissent simultanément exercer dans son enceinte. On m'avait conseillé de donner, ex professo, une nomenclature de ma façon avec une terminologie ou grecque ou latine. Je me serais alors avancé sur les traces des Lavoisier et des Fourcroy. C'était un moyen de célébrité. Mais tout cela n'eût été que de l'hébreu pour le commun des martyrs. Que dis-je, de l'hébreu? Où donc ai-je la tête? Je ne pensais pas aux juifs. C'est une langue mère que l'hébreu. Tout bien considéré, l'hébreu convenu, le grec aussi. Il y a de grands grecs parmi les voleurs. Il y en a partout. Toutefois, que m'aurait servi d'appeler les cambrioleurs, par exemple, suladomates, dévaliseurs de chambre, les fleurs, balanciotomistes, coupeurs de bourse, juste passé pour helléniste. Des fins, M. Gaël ne l'était pas plus que moi, à la bonne heure. Mais lors même qu'à l'instar des chimistes, j'aurais analysé ou fait analyser un de ces messieurs, en saurait-on davantage, parce que, singe de M. Gay-Lussac et Thénard, j'aurais dit qu'un cambrioleur se compose, sauf les atomes évaporés, de 53 360 de carbone, 19 685 d'oxygène, 7021 d'hydrogène, 19 934 d'azote, plus la gélatine, l'albumine, l'osmazome, etc. Eh mon Dieu, n'allons pas chercher midi à 14 heures, et sans nous soucier de la renommée, ne proférons pas des paroles qui ne représentent rien, appelons les choses par leur nom. J'ai trouvé les voleurs baptisés. Je ne serai pas leur parrain, c'est assez d'être leur historiographe. Il n'y a pas longtemps que je reçus la visite d'un érudit. D'un érudit, et pourquoi pas? Ne suis-je pas entré dans la carrière littéraire? Depuis que j'ai publié des mémoires, il est venu chez moi jusqu'à des grammairiens pour m'offrir de m'apprendre le français, à condition que je leur enseignerai l'argot. Peut-être étaient-ce des philologues. Quoi qu'il en soit, l'érudit vint chez moi. Que me voulait-il? On va le voir. Il m'aborde. C'est vous qui êtes monsieur Vidocq? Oui, monsieur, que puis-je pour votre service? J'ai fait une découverte bien précieuse et qui doit vivement vous intéresser. Quelle est-elle, s'il vous plaît? Un livre, monsieur, le premier, le plus utile des livres pour vous et qui, dans les fonctions si pénibles que vous avez remplies, vous eût épargné bien du mal. C'est de la moutarde après dîner. Il arrive un peu tard, je le sais. Mais que voulez-vous ? Voilà plus de 50 ans qu'il n'a pas vu la lumière. Et qui donc le tenait ainsi sous le boisseau ? Qui donc, vous le demandez ? Le plus terrible de nos bibliothèques, feu M. Boulard. En a-t-il porté des bouquins dans ses poches qui étaient comme des corbillards ? C'est lui qui les a inventés, les poches à la Boulard. Disent-elles qu'il possédait sur le pavé de Paris était autant de cimetières, où tout ce qui tombait sous la main était impitoyablement enterré. Quelle enterreur ! Ah, monsieur, il était temps qu'il mourût, que le trésor il avait enfoui, que l'exemplaire unique il tenait en charte privée. Celui-là aussi est unique, ce n'est pas sans peine que je l'ai exhumé. Enfin, je l'ai, je le possède. Pauvre petit Défamosis, Latronibus. Merlin et Renoir le poussaient comme des enragés. Mais j'étais à la vente, j'étais là, je leur ai tenu tête. Et il est à moi, je le tiens. C'est un in-quarto, vous le voyez. C'est bien cela, Défamosis, Latronibus, Investigandis, Agodefrido. Ce Godefroy était un malin compère, il les savait toutes, monsieur. Ah, c'était affaire à lui pour découvrir un voleur. C'est de ce savant traité qu'il a déposé le fruit de ses veilles. Que votre successeur, monsieur Lacour, voudrait bien avoir son secret. Mais c'est à vous seul, que je prétends faire hommage. Je suis venu tout exprès à Saint-Mandé pour vous l'offrir. J'accepte, monsieur, et vous remercie beaucoup. Mais seriez-vous assez bon pour me dire quel était ce Godefroy ? Ce qu'il était ? Docteur Inu Troque, contemporain de l'illustre pic de la Mirandole et professeur d'astrologie judiciaire dans une des plus célèbres universités de l'Allemagne. Jugez s'il était capable d'écrire. Ce sont là de beaux titres, assurément, des titres fort honorables, mais avait-il été aux galères ? Non. Cela n'empêchait pas que depuis Ève, qui déroba la pomme, jusqu'au filo Titapapouf, qui escamota l'escarboucle du prophète, il n'y avait pas un voleur dont il ne sut les prouesses sur le bout du doigt. Et il les comptait à ses écoliers, le pédagogue ? Il les comptait, sans doute. Allez, l'on est bien fort quand on a par devers soi l'expérience de tous les siècles. Votre Godefroy m'a tout l'air de n'être qu'un amateur. Au surplus, si ce n'était pas abusé de votre complaisance, je vous prierai de me traduire quelques morceaux de l'admirable traité des Famosis. Volontiers, monsieur, volontiers. Teneo lupo moribus. Je tiens le loup par les oreilles. Vous allez être satisfait, ravi, étonné. Nous verrons bien. Nous étions assis sur un banc, à l'entrée de mon salon. Je fis taire mes chiens qui aboyaient. L'érudit commença sa version et je prêtai l'oreille. D'abord, il me fallut entendre le curriculum vitae de tous les voleurs mythologiques, Mercure, Polyphème, Cacus. Puis vinrent les temps héroïques, tous remplis de voleurs et de vols. On avait enlevé le trésor de Diane à Éphèse, les troupeaux de celui-ci, la génisse de celui-là, le cheval de tel autre. Ensuite, au milieu d'un déluge de citations, étaient énumérés tous les larcins mentionnés dans la Genèse. Les Mèdes, les Assyriens, les Romains, les Carthaginois paraissaient également sur la scène, à mesure que l'ordre chronologique les y appelait. Quand je vis que c'était à n'en plus finir, j'interrompis le traducteur. « Assez, assez !» lui dis-je. « Non, non, par Dieu, il faut que vous écoutiez celle-là. Voici une dissertation qui est fort curieuse. Elle roule sur les deux larrons entre lesquels Jésus-Christ fut crucifié. » L'auteur cherche quel pouvait être leur nom. « Et que nous importe leur nom ?»« Ah, monsieur, quand on remonte dans le passé, il n'est point de petite recherche. Savez-vous que si l'on parvenait à connaître le nom de l'un des deux, du bon par exemple, cela ferait grand bruit à Rome. Car enfin, il est dans le ciel, le Sauveur l'a dit, ce serait une canonisation, un bouleversement dans la légende, une révolution dans le calendrier. Le pape n'aurait jamais canonisé plus à coup sûr, il aurait la parole de celui qu'il représente, quelle pièce, procès, il serait infaillible cette fois. Tout cela est possible, mais je vous dirai franchement que je ne m'en inquiète guère. Ah, je le vois. La partie historique vous ennuie. Vous êtes homme d'exécution, monsieur Vidocq. Passons à la partie pratique. Oui, passons à la partie pratique. C'est ici que je l'attends. Vous serez content de lui. Que dit votre docteur ? J'y suis, attention. Si vous avez été volé et que vous désiriez absolument découvrir l'auteur du vol, commencez par consulter votre planète. Rappelez-vous sous quelle étoile vous êtes né, dans laquelle de ces 12 maisons venait d'entrer le soleil. Examinez à quel point du zodiaque il se trouvait Inora Nathalie. Si c'était sous le signe de la balance, c'est bon. Il y a de la justice sur le tapis. Le voleur sera pendu sans rémission. Ensuite, il faut avoir bien observé la conjonction de Mars et de Vénus. L'état du ciel a tant d'influence sur nos destinées. Voyez la position de Mercure, à l'heure précise où vous vint au monde, à l'heure où vous vous êtes aperçu qu'on vous avait volé. Supputez, comparez, suivez Mercure, ne le perdez pas de vue. C'est lui qui emporte ce que vous avez perdu. Si vous ne pouvez pas l'arrêter, prenez de la corde un patient qui soit mort en riant, signez-vous 7 fois, récitez sur la corde 5 pater et 3 abbés, et terminez par le credo, que vous direz à rebours, de la fin au commencement, sans reprendre haleine. La foi est nécessaire. Après cela, avalez à jeun un grand verre d'eau. Oui, croyez, buvez, c'est bien. Mais, monsieur l'érudit, c'est un recueil de sornettes que votre tété défamosis. Comment, monsieur, des sornettes? L'auteur relate ses autorités, 50 pages de noms à la fin du livre, poète, orateur, historien, polygraphe. Nomme-t-il aussi des mouchards? Il parle d'Argus, de Briaré. J'espère que l'un était un fameux agent de police, sans yeux, et l'autre, sans bras, quel gendarme! L'érudit était entiché de son acquisition, et quoique j'eusse dit pour lui prouver que son livre n'était qu'un fatras, il se retira, bien convaincu qu'il m'avait fait un très joli présent, mais que, par amour propre, je ne voulais pas en convenir. Je suis sûr que dans sa pensée, Godefroy valait bien un Vidocq, et pourtant tout le savoir de l'ancien, dont il me proposait les leçons, se bornait à des pratiques superstitieuses. La foi était nécessaire, comme au disciple de M. Cousin. Elle était encore bien vive, bien robuste, la foi. Après l'incendie du bazar Boufflers, n'ai-je pas vu promener gravement un bouquet de violettes sur les murs, afin de reconnaître si le feu avait été mis à dessein? S'il y avait une malveillance, le bouquet devait s'enflammer aussitôt qu'on le présenterait à l'endroit où l'incendie avait commencé. Et des témoins ont vu la flamme, le bouquet a été consumé, le fait est authentique. C'est comme l'apparition de la croix de Minier. Le pape, les cardinaux, les évêques, les archevêques, Dieu lui-même se joindrait au philosophe, il ne tuerait pas la crédulité. Le prince de Hohenlohe ferait toujours des miracles, on s'adresserait toujours au devin, on ferait toujours tourner la baguette, on interrogerait toujours le marc de café, les blancs d'œufs, le sas, les clés, la bague et les tarots. La vieille Lenormand, Madame Mathurin, Fortuné, tous les sorciers aux sorcières de Paris, les magnétiseurs y compris, ne seraient pas moins consultés toutes les fois qu'ils se commettent un vol, et la plupart du temps, avant qu'aucune déclaration n'ait été faite à la police. Qu'en advient-il? Tandis qu'on recourt aux moyens surnaturels, l'objet volé devient introuvable. Le coupable a eu le loisir de prendre toutes ses précautions pour ne pas être découvert, et lorsque, après avoir épuisé les ressources de la magie et de la divination, on se présente dans le bureau de la petite rue Sainte-Anne pour invoquer le ministère du chef de la sûreté, comme il n'y a plus vestige du méfait, l'investigation est infructueuse, et le larron est le seul qui puisse s'appliquer, en riant dans sa barbe, cet axiome favori des imbéciles et des fourbes, il n'y a que la foi qui nous sauve. Si la multitude avait un peu plus de confiance en mes reliques qu'en celle de mon successeur, c'est que vraiment j'étais parfois incompréhensible pour elle. Dans combien d'occasions n'ai-je pas frappé d'étonnement les personnes qui venaient se plaindre de quelques larcins? À peine avait-on rapporté 2 ou 3 circonstances, déjà j'étais sur la voie. J'achevais le récit, ou bien, sans attendre de plus amples renseignements, je rendais cet oracle. Le coupable est un tel. On était émerveillé. Était-on reconnaissant? Je ne le présume pas, car d'ordinaire, le peignant restait persuadé ou que c'était moi qui l'avais fait voler, ou que j'avais fait un pacte avec le diable. Telle était la croyance de ma clientèle, qui n'imaginait pas que je puisse autrement être si bien instruit. L'opinion que j'étais la cheville ouvrière, ou plutôt l'instigateur d'un grand nombre de vols, était la plus populaire et la plus répandue. On prétendait que j'étais en relation directe avec tous les voleurs de Paris, que j'étais informé par eux, à l'avance, des coups qu'ils méditaient, et que, s'ils avaient été empêchés de me prévenir, par la crainte de laisser échapper une belle occasion, après le succès, il ne manquait jamais de venir m'en faire part. On ajoutait qu'ils m'associaient au bénéfice de leur industrie et que je ne les faisais arrêter qu'au moment où leur activité n'était plus assez productive pour moi. Ils étaient, il faut en convenir, d'une bonne patte, de se sacrifier ainsi pour l'homme qui devait tôt ou tard les livrer à la justice. En fait d'absurdité, il n'est rien qu'ici-bas l'on ne puisse imaginer. Mais comme derrière l'absurde, rarement il n'est pas un levain quelconque de vérité, voici le point d'où l'on était parti. Intéressé par devoir à connaître autant que possible tout ce qu'il y avait de voleurs et de voleuses de profession, je tâchais d'être informé à sous et deniers de l'état de leurs finances, et si j'apercevais un changement avantageux dans leur position, j'en concluais naturellement qu'ils s'étaient procuré quelque aubaine. Si l'amélioration observée concordait avec une déclaration, la conclusion devenait plus probable, toutefois elle n'était encore qu'une conjecture. Je me faisais rendre compte des moindres particularités propres à me révéler les moyens d'exécution employés pour consommer le crime. Je me transportais sur les lieux, et souvent, avant d'avoir fait aucune recherche, je disais au déclarant « Soyez tranquille, je suis certain de découvrir les voleurs ainsi que les objets volés. » Le fait suivant, le seul de ce genre que je veuille rapporter, en offre la preuve. Monsieur Pruneau, marchand de nouveautés dans la rue Saint-Denis, avait été volé pendant la nuit. On avait fait effraction pour s'introduire dans son magasin, d'où l'on avait enlevé 50 pièces d'indienne et plusieurs châles de prix. Dès le matin, Monsieur Pruneau a couru à mon bureau, et il n'avait pas fini de conter sa mésaventure, que je l'avais nommé les auteurs du vol. « Il ne peut avoir été commis, lui dis-je, que par Berthe, Montgaudard et leurs affidés. » Aussitôt, je mis à leur trousse des agents, à qui je donnais l'ordre de s'assurer s'ils faisaient de la dépense. Peu d'heures après, on vint m'annoncer que les deux individus sur lesquels s'étaient arrêtés mes soupçons avaient été rencontrés dans un mauvais lieu, en la compagnie des nommés Toulouse et Révérend dit Morosini, que les uns et les autres étaient habillés à neuf, et que, selon toute apparence, ils avaient le gousset garni, puisqu'on les avait vus en partie avec des filles. Je savais quel était le receleur en titre. Je demandai que perquisition fût faite à son domicile, et les marchandises furent retrouvées. Le receleur ne pouvait éviter son sort. Il fut envoyé aux galères. Quant au voleur, pour qu'il fût condamné, il me fallut préparer l'évidence au moyen d'un stratagème de mon invention. Ils furent dûment atteints et convaincus.